Cette 15e séance de méditation est un peu différente. Aujourd'hui, tu vas faire ce que tu veux faire. Tu vas commencer par prendre une posture qui te convient, dans laquelle tu te sens confortable. Et tu vas méditer comme tu préfères méditer. Tu peux ouvrir les yeux, fermer les yeux à moitié. Tu peux regarder un point fixe ou non. Tu peux respirer calmement, profondément avec le ventre et puis poser la paume de tes mains où tu souhaites, de la manière que tu le souhaites. Et tu peux méditer sur ce sur quoi tu veux méditer. Tu peux aussi simplement te laisser aller. Tu peux te concentrer sur ta respiration, sur un point, tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu peux méditer sur la gratitude, sur la compassion, sur l'union avec le monde, sur l'illusion du moi. Tu es entièrement libre. Tu entendras simplement un son à la fin de cette méditation comme d'habitude pour t'indiquer la fin. Et après cette séance, tu pourras méditer par toi-même tout seul pendant encore 15 jours pour méditer pendant un mois entier. Et si ce mois de méditation t'a apporté quelque chose, eh bien tu pourras continuer ou non. Tu peux maintenant méditer. C'est maintenant la fin de la méditation. Tu es libre de continuer si tu le souhaites. Et tu peux partager avec les autres ton expérience et tes projets à venir avec la méditation. Tu peux aussi rejoindre un groupe de méditation comme il y en existe beaucoup dans de nombreuses villes et partager avec tes amis cette expérience. Rien n'empêche les autres de participer à ces 15 jours de méditation en décalé. J'étais heureux de faire ces exercices de méditation avec toi, ils m'ont beaucoup apporté également. Je suis un peu triste que ça s'arrête, mais il faut aussi accepter ce sentiment de tristesse, rester détaché et pratiquer l'équanimité vis-à-vis de tout. J'espère que cette méditation t'a autant apporté qu'elle m'a apporté. Et je te souhaite une très bonne journée.